طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله في هذا الفصل الثاني المتعلق بالقواعد التي تختص بالصفات. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, il nous dit dans cette partie du livre consacrée aux règles propres aux attributs divins, il dit القاعدة السابعة, la septième règle, et c'est la dernière de cette partie. القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. Les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal sont considérés comme tawqifiyya. Ils ne s'affirment, c'est-à-dire ils ne s'affirment que par une preuve provenant du Coran ou de la sunna authentique du prophète alayhi salatu wa salam. Na'am. Donc, les attributs d'Allah Azza wa Jal, on ne peut les affirmer comme étant des attributs à Allah Azza wa Jal, des caractéristiques à Allah Azza wa Jal, que en s'appuyant sur une preuve du Coran et ou de la Sunna, la tradition prophétique jugée authentique. Na'am. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه إلا بما وصف به نفسه ووصف به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. Donc Cheikh Al-Uthaymeen il s'appuie sur il s'appuie pour affirmer cette règle sur la parole de l'imam des gens ou des partisans de la sunna, l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, qui fait partie des imams des quatre grandes écoles, wa huwa yani afdaluhum wa huwa afdaluhum ومذهبه أقرب إلى السنة أقرب إلى السنة. Donc l'imam Ahmad c'est le meilleur des quatre imams. D'ailleurs c'est pourquoi certains pieux prédécesseurs ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala a protégé cette religion par deux personnes. Par Abu Bakr, Yom al-Ridda, par Abu Bakr. Lorsque les gens se sont révoltés et ont apostasié après la mort du prophète, alayhi salatu wasalam, et par l'imam Ahmad, lorsque le monde islamique a été éprouvé par la madin, par la parole de Khalq al-Qur'an, c'est-à-dire par l'école de pensée qui visait à dire que la parole d'Allah est créée, le Coran est créé. Non. Donc l'imam Ahmad, pour les gens, pour les savants de son époque jusqu'à la nôtre, et Inch'Allah jusque à la venue de l'heure, il fait partie des références en termes de aqidah, en termes de hadith, en termes de sabbat, en termes de, c'est-à-dire en termes de croyance, en termes de connaissance du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et en termes de raffermissement sur les préceptes islamiques. Naam. Donc là, l'imam Ibn al-Qayyim, l'imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, il s'appuie sur une parole de l'imam Ahmed pour affirmer cette règle qui nous évoque que les noms, que les attributs d'Allah Azzawajal ne peuvent s'affirmer que avec une preuve du Coran ou de la Sunna. Donc l'imam Ahmed, il nous dit et on ne qualifie pas Allah Azzawajal que par les attributs qu'il s'est lui-même attribué ou que son messager lui a attribué, nous ne dépassons pas en cela le Coran et le Hadith. Naam. ثم قال انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. Naam. Et c'est en gros la même règle qui équivaut pour le madame, pour la même règle qu'on a vue précédemment dans les noms, la cinquième règle qu'on a vue dans les noms d'Allah Azza wa Jal, elle portait sur le même sujet. Comme quoi les noms d'Allah Azza wa Jal aussi ne peuvent s'affirmer qu'en ayant un appui sur le Coran ou sur la Sunna. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attribuer à Allah Azza wa Jal un quelconque attribut ou une quelconque caractéristique de nous-mêmes, de par notre propre raison ou de par les paroles des gens. Non. On affirme un attribut à Allah Azza wa Jal qu'après l'avoir trouvé ou entendu dans le Coran ou dans la tradition prophétique authentique. Naam. ثم قال الشيخ العثيمين ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه فكان الشيخ العثيمين الآن سيشرع في بيان الطريق الموصلة il a ithbat sifat. Donc là, Cheikh Al-Uthaymeen, c'est comme s'il va t'évoquer comment tu peux extirper, à travers les paroles d'Allah ou les paroles de son messager, comment tu peux extirper un quelconque attribut d'Allah Azza wa Jal. Non. قال الأول التصريح بالصفة. Tout d'abord, si tu trouves dans les paroles d'Allah ou dans les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, une parole, un mot explicite indiquant un attribut. Un mot explicite indiquant un attribut. Qu'al izza, wal quwwa, wal rahma, wal batch, wal wajh, wal yadayn, wa nahwa. Comme la suprématie, la puissance, al izza, ou al quwwa, ou la force, ou Ar-Rahma, la miséricorde, ou Al-Batch, le fait de sévir, Al-Wajh, le visage, ou Al-Yadayn, les deux mains, ou autre. Si on trouve dans des textes coraniques ou dans des textes relatifs à la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, et qui nous évoque des attributs d'Allah Azza wa Jal d'une manière explicite, alors on affirmera ces attributs comme tels, comme étant des attributs d'Allah Azza wa Jal. طيب الثاني تضمن الاسم لها تضمن الاسم او الاسم لها. La deuxième méthode avec laquelle on peut, par laquelle on peut extirper un attribut d'Allah Azza wa Jal, n'est autre que le fait de l'extirper des noms d'Allah Azzawajal, les noms qui sont affirmés à Allah Azzawajal. Donc les noms qu'on trouve dans le Coran et dans la Sunna comme étant véritablement des noms d'Allah Azzawajal, comme on l'a vu lors des règles précédentes concernant les noms d'Allah, on sait que les noms, dans chaque nom, il y a un attribut. De chaque nom, tu peux extirper un attribut et pas le contraire. Ce n'est pas de chaque attribut, tu peux extirper un nom. Non. Mais de chaque nom, tu peux prendre un attribut. مثل قال الشيخ العثيمين مثل الغفور متضمن للمغفرة. Comme le pardonneur. Le nom le pardonneur, il sous-entend l'attribut du pardon. Il sous-entend l'attribut du pardon. Ou as-sami' متضمن للسمع. Ou comme le nom le bien audient qui sous-entend l'attribut de l'audition. L'attribut de l'audition. ونحو ذلك انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. Et même Cheikh Al-Uthaymeen, il nous renvoie à la troisième règle qu'on a vue au sujet des noms, qui parle de ce sujet-là. نعم. والثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب. نعم. Et la troisième manière d'extirper des attributs, c'est lorsque nous est évoquée une action qu'accomplit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de par cette action-là, on peut extirper un attribut. Comme Al-Istiwa, le fait qu'il s'est établi sur le trône. Ou comme le fait qu'il descende au niveau du premier cieux. Ou comme le fait qu'il vienne pour trancher les différends entre les serviteurs, pour juger les serviteurs le jour de la résurrection. Ou comme le fait qu'il se venge des criminels. Tout ça, comme Cheikh Al-Uthaymeen va l'évoquer, juste après avec les Adillah. Donc ce sont des verbes, des actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala accomplit, et de ces actions là on tire des attributs. كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى. Ou comme dans la parole où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman sur le trône, le tout miséricordieux sur le trône s'est établi. Ou au-dessus du trône s'est établi. Wa qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Ou la parole où le prophète alayhi salatu wa sallam dit que notre Seigneur descend au premier cieux. Al-Hadith. Wa qawlu Allah ta'ala وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Ou la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit et ton Seigneur viendra ou vient en compagnie des anges et des anges établis en rang. نعم. وَقَوْلُهُ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Et aussi lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit certes nous nous vengerons des criminels. Certes nous nous vengerons des criminels. Donc tous ces verbes employés dans ces différents versets ou hadith, on extirpe d'eux des attributs d'Allah Azza wa Jalla. هل هناك يعني هل الكلام هذا يؤخذ مطلقا أو في تقييد أو في كلام؟ Sur le troisième point là, le fait d'extirper de chaque verbe un attribut, est-ce qu'il y a des paroles à rajouter ou bien on le laisse comme ça d'une manière absolue? Hey, Juan. إسماعيل أبو آسيا معنا ولا مو معنا؟ Vous avez compris la question, les frères? أحسنت إسماعيل. طيب فما هو التقييد؟ Notre frère إسماعيل, il nous dit que Mada, que cette parole yani, est restreinte. Il y a certaines restrictions, c'est-à-dire on ne peut pas prendre de tout verbe un attribut. Hein? Al-intiqam, yani al-intiqam min as-sifa al-muqabala. طيب وإسماعيل ها نعم وعثمان طيب il faut pas que le verbe soit péjoratif طيب أصلا les verbes qui sont liés à Allah Azzawajal, ils ne peuvent pas être péjoratifs. Les verbes, les actions qui sont en lien avec Allah Azzawajal, c'est-à-dire les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même fait, ne peuvent être péjoratives. Naam. Naam. Fa taqaddama ma'ana fi ba'd ad-durus annana dhakarna lakum qa'ida. Et on avait vu dans certains cours quand vous avez évoqué une règle. Cette règle visait à dire que le chapitre des verbes, des actions d'Allah Azzawajal est bien plus vaste que que le chapitre des attributs. Tamam? Donc ça, c'est une règle. Cette règle-là, c'est qui l'avait évoquée quand est-ce que je vous avais dit le nom de celui qui avait rapporté cette règle-là? Hein? La règle que les actions, les babul af'al, les actions d'Allah sont le chapitre concernant les actions d'Allah Azzawajal sont plus vastes que le chapitre concernant les attributs. C'est qui l'imam qui avait, ou le cheikh, ou le alim qui a évoqué cette règle-là. طيب c'est Cheikh Saleh al-Sheikh. Saleh al-Sheikh, dans son tafsir, dans son charh plutôt de Al-Wastiyah, il a évoqué cette qa'ida et il dit que c'est une qa'ida thabita, c'est une qa'ida affirmée, c'est-à-dire que les gens de la Sunna n'ont eu de cesse de mettre en pratique. Naam. Et donc lui, quand il explique cette qaïda, comme je vous avais expliqué lorsqu'on était passé de, quand on a annoté à ce sujet, lui quand il explique cette qaïda, il te dit que on ne peut pas tirer de chaque œuvre, de chaque verbe, de chaque action qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accompli, un attribut. Parce qu'il y a des actions qu'il accomplit en guise de réponse, comme al-makr, comme al-khida', comme al-intiqam, comme la ruse, ou comme la tromperie, ou comme la vengeance. Donc, lui et les savants qui sont sur cette parole, eux, c'est comme s'ils acceptaient les attributs d'opposition, sifat al-muqabala, de leurs paroles. Quand ils parlent en disant que al-bab al-af'al awsa' min bab al-sifat, c'est comme si ils acceptaient les attributs d'opposition. Tamam. وفي الحقيقة يا إخوان بعد البحث و après avoir recherché ici et là et avoir demandé au mashaykh dernièrement j'ai posé la question au sujet de cette qaïda qu'on a écrit qu'on a vu quand on était à Damas chez Talab lakin même en posant la question au mashaykh j'ai pas été convaincu, j'ai pas trouvé, à l'exception de Cheikh Saleh al-Sheikh, qui évoque qu'il prend des paroles de Cheikh al-Islam pour affirmer cette qaïda, j'ai pas trouvé en dehors de lui quelqu'un qui l'affirme d'une manière aussi pertinente que lui. D'une manière aussi pertinente que lui. Lakin, malgré tout, malgré qu'on lui reconnaît un très grand mérite fil ilm, al-haq anna al-sifat al-muqabala min dhamni sifat Allahi azza wa jal. Min dhamni sifat Allahi azza wa jal. Wa bittali fala yanbaghi أن ماذا أن يخرج شيئا من هذه الأوصاف. Donc ça, il ne convient pas d'expulser ou d'exclure plutôt certains de ces attributs qu'on appelle les attributs de muqabala. Donc en vérité, les savants comme Cheikh Al-Uthaymin ou d'autres qui n'ont pas évoqué cette règle-là, al-af'al awsa' min as-sifat, et qui se sont contentés d'affirmer dans certains de leurs écrits, de leurs ouvrages et certains de leurs cours, d'évoquer essentiellement la règle al-akhbar ou al-ikhbar, bab al-ikhbar awsa' min bab as-sifat. En vérité, c'est mieux de se limiter à cette règle-là, car il n'y aura pas de contradiction. Il n'y aura pas de contradiction. Tandis que si on dit Bab al-Af'al, on dit que le chapitre des actions d'Allah Azza wa Jal est plus vaste que celui des attributs, on va rentrer forcément dans des contradictions. Non. C'est clair pour ce que je viens d'expliquer, Juan? Tout le monde a compris? Taïb. Tout le monde a compris? Ok, c'est bon. طيب انا اكتفي في هذا الدرس بهذا. Et donc là, on a terminé les règles qui sont propres les règles spécifiques aux attributs. Donc après avoir vu je crois que c'était les sept premières règles. Naam. Après avoir vu les sept premières règles portant sur les noms d'Allah Azza wa Jal, on a terminé les sept règles portant sur les noms, sur les attributs d'Allah Azza wa Jal. Après, il ne nous reste plus qu'à avoir des règles qui sont globales, qui concernent, qui sont à la fois pour les noms et à la fois pour les attributs. Et c'est un chapitre qui comprendra aussi rapidement, Inch'Allah. Et après ce chapitre-là, on aura terminé les règles de ce livre, les règles qui se trouvent dans ce livre-là. Et donc, soit on s'arrêtera, ou soit on continuera jusqu'à la fin. On verra qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décidera. Naam. Parce qu'à la fin, en fait, il évoque des réfutations à certaines ambiguïtés provenant de certaines sectes. Mais en termes de règles, là, le chapitre dans lequel on va rentrer, c'est le dernier chapitre. Donc, c'est les dernières règles qu'on verra dans ce livre-là. Ça y est. Non. On va prendre un peu de dawa. Avant que le muaddin il réplique. Ça y est.